divertissant. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurence Audet nous parlera de divertissement dans le loisir bien plus qu'un jeu. Et Justine Renaud sera là pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 26 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hola, Stéphanie Paradis. Hello! Et on est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières, tu sais ça? Ouais. Ouais. Une chance que je le sais, sinon je serais perdu. Tu serais ignore? C'est ça que ça veut dire quand tu ignores? Ben, plus qu'ignore, je serais en retard. Je tournerais en rond à Trois-Rivières puis je chercherais où c'est que ça s'enregistre, ça. C'est où, Assemblage requis? C'est où, Assemblage requis? Donc, aujourd'hui, l'émission, Steph, on a malheureusement une absence déjà vous annoncée dès le début. On n'aura pas Laurent Constantin, malheureusement. Oh non, je pensais que c'était toi qui avais une absence. Mental. Souvent, hein? Blocage mental et tout. Donc, à 7h30, on va faire tantôt les inscriptions d'assemblage à la place. Ah, bien voilà. Sûr. Ça fait longtemps? Ça fait un bout. C'est ça, d'habitude, les gens sont là. Fait que je ne peux pas faire mes chroniques. À 8h, Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'un jeu. Sur le divertissement, l'entertainment, les choses qu'on fait à l'extérieur de notre boulot et de notre vie très, très quotidien. À 8h30, Justine Renaud va être là. Oui, comme à chaque deux semaines, on l'a changé deux semaines, mais quand même nos deux semaines, OK. Puis Yubu était pas là pendant comme trois semaines, mais là. Tout mêlé, lui. Tout le monde change de place. Donc, ça, c'était à 8h30. À 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le poste d'écoute? C'est quoi, c'est le poste d'écoute? C'est où, Assemblage requis? C'est quoi, le poste d'écoute? C'est un secret. Non, je te fais écouter de la bonne musique. Je te fais découvrir un album que j'ai découvert hier. Il n'y a pas de caramel dedans, comme le secret de la caramilk. Je peux t'arranger ça. S'il te plaît. Il va peut-être être brûlé par contre. Il va mal jouer dans le lecteur CD aussi. Il va peut-être coller ça un peu. Ça va coller. Là, faut que tu le manges avant. Faut que tu liches le CD. Ouais. OK. Donc voilà, ça c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. C'est bien rempli quand même. Ouais, un bon plan. J'aime ça, je l'apprécie énormément. Mais commençons avec une nouvelle entrée du palmarès francophone par le couleur. Leur nouvel album s'appelle Dolce Désir. On a reçu ici l'édition Deluxe qui inclut un autre de leur CD en dedans. Fait qu'il faut se mélanger dans quel CD jouer. C'est comme dans les DVD. T'sais. Tu mets tout le temps un disque bonus, on dirait, dans le lecteur. Non. Moi, je mets tout le temps un disque. Je sais bien, tu fais jamais ça. voici Club Italien. Ça, c'est fou. Mes rêves d'être des club italien. C'était par Le Couleur à Assemblage Requis. Ça, c'est comme un club normal, mais avec de la sauce à spag par-dessus? Non, avec une moustache. C'est un club italien. Franchement. C'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage, la clé dans laquelle on essaie de mieux vivre en se donnant des petits conseils que peut-être qu'on sait pas, tu sais. J'espère en tout cas qu'on les sait pas. Ben, au moins un des deux, parce qu'il y en a quand même un qui fait la chronique, t'sais. Mais tu vois, au moins un des deux, ça commence bien la chronique, parce que justement, on parle de ne pas affronter un problème à la fois, mais de plutôt en affronter deux à la fois. Hein? Ça a l'air bizarre dit de même, hein? Un peu. Il y a des problèmes difficiles dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, qu'on ne peut pas résoudre étape par étape avec une stratégie systématique. Donc, pour éviter la frustration et le burn-out, on devrait affronter deux problèmes à la fois, mais pas plus. Donc, sur son blog, l'auteur et professeur assistant Cal Newport discute des différences entre ce qui est décidable et ce qui est pas décidable. Donc, une tâche décidable, c'est un problème qui peut être résolu de façon systématique, hein, qu'on applique la solution jusqu'à temps que ce soit clair, t'sais. Et des problèmes comme compléter du travail que t'as à faire, nettoyer ta maison, c'est tu le fais, puis c'est de même, t'sais. T'as pas le choix, tu le fais, puis c'est de même. Une tâche qui n'est pas décidable, c'est un problème qui est beaucoup plus large, qu'on sait pas trop comment résoudre. Comme par exemple un écrivain qui essaierait de trouver une nouvelle idée pour un livre, ou un propriétaire d'entreprise qui essaierait d'avoir des profits alors que présentement ça va pas bien. C'est un problème que tu peux pas juste dire, ben là, t'as juste à avoir des profits. Genre. Ouais, ouais, c'est pas juste comme fais-le. C'est juste fais-le, voilà. Do it, do it, do it, do it, do it. Donc y a pas ça. La solution à ces problèmes-là n'est pas aussi apparente, il y a pas de système pour les résoudre. Hein? Donc ça aurait plus de sens. On pourrait se dire d'affronter ce problème-là et puis juste, tu sais, passer dessus encore et encore et encore jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais quand t'en as deux en même temps, ça va fonctionner mieux. Deux, c'est mieux qu'un. Parce que ça te permet de changer ton focus. Si t'es mal pris, ben tu fais la tâche systématique en même temps. Mm-hmm, et ça va fou. Peut-être, à un moment donné, te donner des idées pour ton problème que tu peux pas résoudre par toi-même. Ben oui, par exemple, faut que je passe la balayeuse. Oui. Ben tu peux la passer en vacant... En vacant. Ton autre c'est problème. C'est ça. En vacant. Comme dans un hôtel. Vacancy. Ah ouais, vacances ici. Comment on dit? Il y a des vacances ici. Il y a des vacances ici. Vacances ici, Radio-Canada. Ça part pas. Donc voilà, quand vous rencontrez une tâche qu'on ne peut pas décider, donc on ne peut pas résoudre soi-même, ben essayez de faire d'autres choses en même temps. C'est une affaire qui est facile à faire, puis que tu comprends, puis que tu veux juste affronter. C'est pas facile, passer la balayeuse. Non, j'avoue, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Hier, j'étais supposé passer la balayeuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ramassé le bâton de poêle, puis c'était assez. Puis je me suis couché. Mais c'est vrai que c'était pour une bonne cause. C'est ça. T'avais un autre problème qui était le manque de sommeil. C'est exact. T'as réglé lui avant. C'est exact. Donc, je me suis couché à 21h hier soir. Je me suis levé à 6h à matin. Fait que j'ai eu une nuit beaucoup trop longue, mais pas dormi si bien que ça parce que je me suis levé dans le milieu de la nuit. Je me réveille tout le temps au milieu de la nuit en ce moment. J'ai un problème. Il y a un problème. Ben, je me réveille de 1 à 3 fois par nuit. Je dois me lever. Habituellement, je me réveille pas du tout. Je dors comme une roche. Depuis que je suis mormone, je me réveille plus souvent pour prier. Ah, la religion, hein. C'est ça le problème. C'est ça. Maintenant, réparons un tiroir ensemble avec du ruban nylon adhésif. Pourquoi pas? Si vous avez un tiroir qui est tout en train de pogner, il est tout en train de rester pogné là, puis t'as de la misère à l'ouvrir, il s'ouvre pas doucement. Donc, un petit morceau de... Un morceau de nylon. Un morceau de nylon, c'est comme un morceau. Un petit ourson. Un morceau mormon. Donc, du ruban collant adhésif de nylon. Ça va réparer le problème. Donc, c'est super simple. Tu prends ce ruban collant-là, tu l'appliques à la partie où le tiroir rencontre le reste de ton meuble ou de ton truc d'armoire, finalement, bref, de tiroir. Donc, tu appliques ça là où il y a du contact. Tu peux trouver du ruban adhésif de nylon pour environ, ça dit 12 $ américains, donc peut-être une quinzaine de dollars pour un demi-pouce par 10 pieds de long. D'un pouce de largeur dans les magasins de construction, de trucs de bricolage. Quincaillerie, entre autres. Donc voilà, ça devrait pas prendre plus que 5 minutes et quelques dollars. C'est chez Family Handyman qu'on nous conseille ça. Ensuite, prenez soin de vous avec des journées où tu devrais rien faire. Ça a l'air simple dit comme ça, une journée de vacances, tu sais. Ouais. Donc, la productivité, c'est bien le fun, mais des fois, t'as besoin de te rattraper sur ton temps pour toi-même. Donc, focus sur absolument rien que tu devrais faire, seulement sur des choses que ça te tente de faire. Donc, sinon, tu vas affronter peut-être un burn-out. Ouais, t'as pas tout le temps le temps pareil. Pas tout le temps le temps, mais si t'as donné ça dans ton agenda, une journée où t'es pas rejoignable, tu fermes ton téléphone cellulaire, tu fermes ton Facebook. Donc, une journée où on évite les responsabilités. C'est une journée où on n'a absolument rien à faire. C'est à peu près le conseil qu'on vous dit. Que la paresse, c'est pas une mauvaise chose. Que ça aide à l'efficacité quand tu reviens au travail après ça. Que tu reviens à ta vie de tous les jours. Tu deviens plus productif. Ensuite, fais de la pizza dans une mijoteuse pour une croûte plus croquante, plus croustillante. J'ai des doutes. T'as des doutes, hein? Donc, la pizza, qu'on peut utiliser, bien sûr, une plaque pour être dans le four. On peut utiliser ça, on peut utiliser la grille, bien sûr. Mais tu pourrais être surprise d'apprendre qu'une mijoteuse peut faire de la pizza croustillante. La base de céramique de la plupart des mijoteuses va faire une croûte très, très croustillante en cuisant. Tu mets la croûte au fond. Et ensuite, tu mets tes garnitures par-dessus. Tu pourras pas la laisser cuire toute la journée comme on ferait dans une mijoteuse parce que ça va commencer à brûler après quelques heures, mais ça peut quand même être assez pratique. Donc, on demande à n'importe qui de mettre ça le matin tôt, puis ça va être prêt pour l'heure du souper. C'est ce que ça nous dit. Ben, je sais pas. Si tu mets le couvercle? Ça précise pas. Ça précise parce pas. Que avec le couvercle, là, ça fait de la grosse condensation d'eau. Okay. Alors, je vois vraiment pas comment, avec ce taux d'humidité-là, tu pourrais avoir une croûte croustillante. C'est peut-être ça l'option de ne pas mettre de couvercle, mais j'avoue que ça précise faudrait pas. Qu'il le dise. Faudrait qu'il le dise, c'est un peu important, mais il y a l'article en source sur assemblagerequis.com avec des photos. J'ai quand même des gros doutes. Des photos. Je ne vois pas le couvercle dans la photo. Ben bon, en tout cas. Les instructions sont quand même assez longues là-dessus. Ensuite... Ah tiens, quand tu vis un mauvais moment, tu peux te créer, pour un couple, on parle d'un couple, un pot de souvenirs pour réussir à passer à travers les mauvais moments. Donc chaque relation a des hauts et des bas. On sait, quand on est dans une mauvaise période, un mauvais espace, on peut oublier ou ignorer les bons moments. Donc créer un pot à souvenirs pour préserver des souvenirs positifs. C'est le blog de relations de couple, Your Tango, qui nous donne cette idée-là, de prendre un pot vide et remplir ça de morceaux de papier qui décrit les moments amusants ou mémorables qu'on a eu ensemble pendant les années. Et quand t'arrives à un mauvais moment, tu piges dans le pot, puis tu te remémores ça, puis ça passe. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas de mauvaise idée, ouais. Ouais. Mettons. Mais il y a un gros effort à faire. Quand à même. La base. Mais un couple, c'est quoi si c'est pas un gros effort par moment? Ça dépend avec qui, t'sais, c'est ça. Ouais, bon, ensuite, tiens, de faire comme si ta vie était un jeu vidéo pour plus te motiver. Il y a des applications pour ça, t'as vu les applications de fitness où tu te fais courir après par des zombies, et puis plus tu marches dans la journée, plus tu... Non, j'avais vu ça. Ben c'est le fun, ça existe, ah. C'est bien le fun. Donc traitez votre vie comme un jeu vidéo. Quand vous mesurez votre performance, ça pourrait être tentant de focusser seulement sur les grandes étapes, les projets terminés ou la moitié du projet, quelque chose comme ça. Mais en appréciant les tâches mineures que tu fais à tous les jours, tu peux te motiver de la même façon qu'un jeu vidéo qui te rendrait vraiment accro. C'est le blog de productivité Barking Up the Wrong Tree qui nous explique qu'on trouve souvent une satisfaction dans un jeu vidéo qui nous récompense pour des tâches vraiment inutiles à la World of Warcraft. Tu fais juste ramasser un morceau de viande, puis soudainement, t'es tellement content parce qu'on te donne, je sais pas, l'argent. Je connais pas. Mettons, peu importe, mais tu sais, des petites tâches niaiseuses, puis t'es bien content de l'avoir accompli. Mettons. Par exemple, si t'es un chasseur et tu tues un sanglier, tu peux le dépecer, puis là, ça te fait du cuir, puis là, éventuellement, t'es avec le cuir, tu peux te faire des armures. Fait que juste tuer un animal, ça peut être très. Une petite tâche qui te récompense pas mal. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Bon, tu vois, c'est une fleur. C'est mieux expliqué comme ça que comme moi. T'sais. Donc, on voit les chiffres monter, on voit nos points d'expérience, nos points de peu importe augmenter. La vraie vie, par contre, quantifie pas vraiment notre progrès de façon aussi claire. Donc, à la place de juger notre progrès par des chiffres abstraits comme la moitié puis la fin, ben, quantifiez vos tâches quotidiennes pour vous motiver. Le secret, donc, c'est les petites victoires. Ces petites victoires qu'on voit à tous les jours. Tout ce qui s'est bien passé, c'est un peu comme moi, puis je pense que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens font ça, de se faire, même quand t'as terminé tes tâches, puis là t'es en train de te faire une tâche de choses qui te restent à faire dans la journée au travail, mettons, t'sais. Je vais quand même écrire les choses que j'ai déjà faites pour les cocher et les barrer, t'sais. Parce que j'ai l'impression que la liste a avancé un peu dès le départ, t'sais. Ça c'est le fun, ça. Moi j'aime bien ça, cette technique. Ben moi je suis vraiment genre à faire la liste au début, mais toi t'es une petite fille organisée, on va se le dire. Non, pas nécessairement. Souvent c'est plus que moi. En fait, souvent faire des listes, oui des fois ça peut être bon pour te vider la tête parce que tu peux pas le commencer tout de suite. Donc j'écrirai pas ce qui est déjà fait parce que le but c'est de faire ah, ok, j'ai pas tant de choses que ça okay. à faire. Ça c'est plus mon but de faire des listes, c'est de me vider la tête pour arrêter de penser à tout okay. ce que j'ai à faire quand je peux pas le faire. Ou de laisser des messages subliminaux à l'autre personne du couple. Ah, oh. Donc, tu fais une liste avec le nom de ton conjoint, avec ton nom, puis là, tu écris toutes les choses à faire. Fait que là, tu t'en mets autant qu'à l'autre. Comme ça, c'est équitable. OK. Puis là, que tu laisses la feuille là sur la table, là, tu dis, cette semaine, on fait ça. Faut que dimanche soir, tout ça soit fait. Puis tu laisses aller les choses. Et là, tu dis, si c'est pas fait, t'as le droit de punir. Wow! Mais non, mais ça peut être une façon de laisser un petit message, genre, tâche à faire. Et là, tu croises le papier, c'est comme, bah, je peux pas en faire. Tu sais, regarde tout ce qu'elle a fait, tout ce qui est coché sur sa feuille. Peut-être qu'il veut être puni aussi. J'apprécie l'idée. Moi, je serais pas capable de vivre comme ça parce que pour vrai, je suis pas capable de suivre quelque chose des étapes. Je suis pas de même. Je suis trop. À fleur de peau. Non, je sais pas. Au jour le jour, j'ai aucune idée. Aucune idée ce que ça veut dire. Mais non, j'aime mieux remettre ça plus tard. Puis à un moment donné, tout clencher, tu sais. Fait que quand j'arrive pour clencher, j'y vais à reculons sur les affaires que j'ai déjà fait. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir 60% de mes tâches accomplies. Non, mais. Inquiète-toi pas, celles qui sont cochées, c'était genre, oh, tu sais, la récup. Faire une liste. Puis honnêtement, ça va tout finir que samedi, on va se lever le matin. Bon, on va clencher ça, cette petite feuille-là. c'est clair, ça va finir comme ça. Ouais. Prochain conseil qu'on se donne dans les instruments d'assemblage où on se donne des conseils de vie et qu'on se débat parce que chacun est différent là-dedans. Puis il y a des trucs là-dedans qui s'appliquent tellement pas à moi. Mais non, et tout le monde a ses propres techniques. Là. C'est ça, il y en a qui sont pour les autres. Donc, se débarrasser des choses, un que je suivrai justement pas, c'est de se débarrasser des choses en jetant des affaires par défaut. Dans le sens que ton par défaut sera de jeter des affaires et non pas de les garder. Tu sais, on vit souvent le contraire. C'est que je vais jeter seulement dans le cas où j'ai vraiment besoin de le jeter. Là, c'est un peu de faire le contraire. Tu sais, tu vas le garder si t'as vraiment besoin de l'avoir. Ben, c'est ça. Donc, garder ces objets aussi longtemps que possible, c'est plus facile sur votre budget parce que vous n'avez pas acheté quelque chose de nouveau tout le temps, mais ça mène aussi à des déchets. Puis, Colin, c'est pas propre chez vous d'avoir autant d'affaires que vous n'utilisez pas du tout. Donc, la plupart des gens vont jeter les affaires seulement quand on ne peut pas penser à une bonne raison de les. De ne pas les jeter, genre, tu comprends ça? Mm-hmm. Donc, la consultante Mary Kondo a une autre opinion. Elle et l'auteur Tim Harford nous explique la leçon qu'il a appris dans le livre de Kondo, The Life-Changing Magic of Tidying. Kondo vit les choses à l'envers, donc pour elle, le statu quo, c'est que chaque article que tu as va être jeté, à moins que tu puisses trouver une raison logique de le garder dans ton appartement ou dans ta maison. Hey, j'aurais plus grand-chose chez nous. Moi non plus. Mais ça ferait du bien. De jeter autant d'affaires. Tu sais, quand tu te mets à faire le ménage puis acheter toutes tes affaires, c'est tellement satisfaisant de remplir un sac à poubelle de papier, puis ben, pas de papier parce que tu mourras recyclage, mais de choses. Oui. C'est vraiment le fun. Mais quand tu déménages, entre autres, moi, je trouve ça vraiment bien. Oui. Présentement, on a comme trois grosses boîtes qui attendent d'être. De partir aux artisans de la paix. Oui. Mais je sais pas, tu sais, des trucs. Tu sais, j'ai comme plein des grosses. Je sais pas si c'est à ça que j'ai pensé en premier. J'ai une grosse boîte pleine d'autocollants. Puis ça doit faire des années que j'ai pas ouvert ça, mais je me dis un jour, si j'ai besoin de décorer quelque chose, je vais avoir des autocollants. Ouais. Ben ça, c'est le début d'un hoarder. C'est vraiment ça que ça va mener vers un hoarder qui fait juste ça. Non, pas à ce point-là, parce que je suis quand même capable d'aller porter des trucs aux artisans de la paix. Ouais. Mm-hmm. Mais donc, la question à se poser, c'est pourquoi, à la place de pourquoi le jeter, c'est pourquoi le garder. Ça devrait être votre question. Ben, la réponse, c'est au cas où j'en aurais besoin. Au cas où j'en aurais besoin. C'est, voilà, c'est pas mal ça. Ensuite, démarrez votre journée avec des températures extrêmes dans votre douche matinale. Petit secret d'artiste ce matin, j'ai pris ma douche le matin. Ce que je fais rarement. D'habitude, je prends ça le soir. À la place, j'ai décidé de me coucher tôt, puis de prendre ma douche le matin, puis ça réveille. C'est vrai que ça réveille, ça fonctionne bien pour me réveiller, tu sais. Mais les températures extrêmes, c'est ça qu'il vous faut, apparemment. Donc les matins sont difficiles, mais le bon type de douche peut vous aider. Il faut alterner entre un froid extrême et une température très chaude pour s'énergiser et se préparer pour la journée. C'est facile, pas de la vaisselle en même temps. Ah, t'auras pas d'eau chaude. De contrôler, ça va alterner au chaud, au froid. T'es une fille willing pas mal. Donc après avoir terminé ton bain ou ta douche, tu mets la douche aussi froide que supportable pendant 30 secondes et ensuite aussi chaude que supportable pendant 30 secondes et ensuite tu reviens au froid pour 30 dernières secondes. Ça va être complètement inconfortable, mais ce que tu vas ressentir après, complètement rafraîchi et prêt à démarrer ta journée, c'est ça qui compte. Donc la thérapie, l'hydrothérapie du chaud-froid, etc., date d'il y a des milliers d'années et on peut toujours trouver des gens dans les pays particulièrement nordiques qui utilisent des saunas exactement comme ça. On sait tous les chauds-froids dans les saunas, les places, les resorts, les trucs de dans les spas. Les spas, c'est donc, prendre une douche froide aussi qui referme les pores, le truc de pores, comme on avait dit, là, l'eau chaude ouvre les pores, l'eau froide referme les pores. Mm-hmm. Donc, ça aide pour ça aussi. Peut-être pour les problèmes de peau, etc. J'imagine. Pour une peau radieuse. Pour une peau radieuse. Donc, démarrez votre journée avec de l'hydrothérapie similaire à. C'est pas vraiment de l'hydrothérapie parce que c'est pas assez chaud ni assez froid, j'imagine. C'est, ben parce oui. Tu vas y aller avec les, ça dit le froid que tu es capable de supporter, mais il y en a qui vont y aller comme oh, je suis pas capable d'être plus froid que ça. C'est peut-être pas assez fort. Non, non, on s'entend avant de mourir, avant d'avoir l'impression qu'il y a des couteaux qui te rentrent dans la peau. C'est ça. À moins que tu aimes ça, les couteaux qui te rentrent dans la peau. Je sais pas aussi s'il faut que tu fasses attention à ta condition de santé. Si tu fais de la hausse, de la basse pression, des trucs comme ça, problèmes cardiaques. Ça va être écrit sur le pommeau de douche. T'as raison. Ne pas utiliser si vous avez une insuffisance rénale, si vous allaitez aussi. T'as tellement raison. Il donne pas assez de détails. En même temps, s'il mettait les détails pour chaque situation de la vie, je pense que l'article serait long, long, long, long, long. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait des problèmes. Que tu doives te soucier de tes problèmes de santé quand tu jettes des déchets. C'est vrai ça. T'as raison, ça. Le service Resume Playlist qui sauvegarde votre place où vous êtes rendu sur YouTube et redémarre là où vous étiez rendu. Hein, avoue que ça a l'air pratique. Oui. Les playlists YouTube, c'est une très bonne façon de regarder une tonne d'épisodes d'une vieille émission. Peut-être regarder des capsules d'un YouTuber, de votre YouTuber préféré. Des vidéoclips d'une compilation. Un paquet de Let's Play, par exemple, des jeux vidéo qui sont joués dans l'ordre, des trucs comme ça. Danny Janvier est chialé là-dessus à ce moment-ci hier. sur les YouTubers qui font des Let's Play. Ah. Je suis d'accord avec lui, mais c'est j'en regarde. C'est quoi un Let's Play? C'est de jouer à un jeu vidéo. Mettons, tu prends un jeu vidéo, tu le joues dès le début, et tu le commentes, puis il t'arrête à chaque peut-être 10-15 minutes, puis tu dis dans le prochain épisode, on va être rendu à telle place. Fait qu'à chaque vidéo, ça continue dans l'ordre. Il joue le jeu vidéo en temps réel, avec des commentaires. Ouais. Puis peut-être des codes, des triches, ou mettons, telle pièce est à tel endroit, t'sais. Moi, je trouve ça cool à regarder une fois de temps en temps, mais. Ben, j'en ai déjà regardé. Ben, moi aussi. C'est pas pour tout le monde, puis il y en a qui trouvent ça. Non, mais tu sais, avant d'acheter un jeu... C'est ce que j'ai dit aussi! Je trouve ça intéressant de voir vraiment... Tu sais, de voir réellement le gameplay, puis d'avoir aussi les commentaires des personnes, ouais. De savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment, ça te donne des pistes de réflexion. Tout à fait. J'en regarderai pas 1000, mais je comprends que ça existe. Je regarde pas tout au complet non plus, parce qu'à un moment donné, tu dis... Mais c'est que, vu que la vidéo est là pour le jeu au complet, tu peux choisir à quel moment du jeu c'est aller. C'est ça, voilà. Fait que s'il y avait pas ça... Moi, je préfère ça à une barre d'annonce qui va te montrer seulement les moments que la compagnie veut que tu vois. T'sais. C'est ça, ouais. Alors que si tu regardes une vidéo comme ça, tu peux regarder le début... pour voir le niveau de difficulté et voir un peu l'augmentation aussi du niveau de difficulté pour te dire est-ce que c'est pour moi ce jeu-là. Tout à fait d'accord. Voilà. On s'entend, toi et moi, là-dessus. Ça arrive. C'est ça. Mais ça arrive quand je m'entends pas avec Danny. Puis je le salue, puis j'apprécie tout à fait son opinion. Je suis quand même d'accord avec certaines affaires. Si je joue pas à des jeux vidéo, c'est sûr qu'il est pas intéressé par ça. Donc, on revient au service qu'on appelait Resume Playlist. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est de copier le lien d'une playlist YouTube que tu veux regarder sur Resume Playlist, qui est sur resumeplaylist.com, comme assez simple. Donc, tu regardes ce que tu regarderais normalement. Bien sûr, il faut regarder les vidéos sur Resume Playlist. Et ensuite... c'est sûr que tu pourras pas commenter, tu pourras pas liker, puis tu pourras pas t'inscrire sur le site. Mm-hmm. Il va falloir que tu retournes sur YouTube. Bref, le site va se souvenir de l'endroit où tu es rendu dans la playlist. Et comme ça, si tu as à redémarrer, à fermer ton furteur, à revenir à la playlist plus tard, tu vas pouvoir revenir sur le site et immédiatement continuer où tu étais rendu. C'est aussi simple que ça, finalement. C'est cool, c'est pratique. Ça se souvient de tes 10 dernières playlists en plus. Moi, j'écoute beaucoup de trames sonores de jeux vidéo sur YouTube. Vraiment beaucoup, là, comme c'est pas mal juste ça que j'écoute quand je suis chez nous. Et j'aimerais ça pouvoir recommencer où j'étais à la place de recommencer au début quand la playlist dure 3 heures. Ben oui. Parce que ça devient un petit peu redondant. Tout à écouter les 5 premières tunes, c'est bon. Fait que bref, resumeplaylist.com, c'est là-dessus qu'on va terminer la chronique. Ah, mon Dieu, à fret de même! Ah ouais, mais c'est comme ça. Les instructions d'assemblage, les liens sur assemblagerequis.com. Alors, on arrête ici parce que j'ai vu notre amie Marie-Laurence Audet qui s'en vient dans quelques instants avec le loisir bien plus qu'un jeu dans Assemblage Requis. Let's play together! À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce jeudi 26 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Blanc. Oh, oh, oh. On est là pour s'amuser tous les matins, bien sûr, mais particulièrement jeudi matin, parce que Marie-Laurence est là, puis elle est le fun, puis elle nous divertit dans le loisir bien plus qu'un jeu. Le loisir bien plus qu'un jeu, Marie-Laurence Audet, bonjour. Bon matin. Tu vas bien? Oui, puis vous? Ah, toujours. Tellement. Tellement. T'es tellement rayonnant, on n'a pas le choix d'être de bonne humeur avec toi. Ça. C'est vrai, c'est vrai. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans le loisir bien plus qu'un jeu? On va parler aujourd'hui de secondaire en spectacle. Oh. En fait, je m'explique. Souvent, je vous relate l'actualité plus scientifique du loisir, tout le côté des bienfaits, tout le côté, si on veut, arrière-scène pour vous faire comprendre la raison d'être du loisir. Mm-hmm. Puis là, on a vraiment un gros cas d'actualité par rapport à secondaire en spectacle. Et je trouvais que c'était pertinent d'en parler parce que ça devenait un peu comme une étude de cas suite à différentes chroniques que j'avais faites. J'ai déjà parlé des activités culturelles, des activités adaptées pour toutes les clientèles, mm-hmm. puis particulièrement de tous les bienfaits qu'on pouvait retirer du loisir. Puis secondaire en spectacle, présentement, fait la manchette parce qu'il vit des grosses coupures budgétaires en cette période d'austérité. Ah. Fait que je vais commencer par vous parler un peu de l'historique de secondaire en spectacle pour mettre tout le monde à jour, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent un peu moins ce programme-là. Puis après, vous expliquer ce qu'ils vivent présentement. D'accord. Donc, secondaire en spectacle... Est-ce que vous savez c'est quoi, secondaire en spectacle, vous? Ben, c'est les gens du secondaire qui font un spectacle. Ouais. Ouais! Je seconde. Un point pour Stéphanie, maintenant. Non, ben, y a-tu d'autres choses que ça à dire là-dessus? Attends un peu. C'est des bénévoles, j'imagine, qui organisent ça. J'imagine pareil comme université en comme écolière en spectacle, université en spectacle, mais sur secondaire. Et cégep en spectacle. Oui, et cégep en spectacle, t'as raison. C'est des bonnes références. C'est sûrement en bas d'un certain âge, probablement. Ben, j'imagine qu'il faut que tu sois inscrit au secondaire. Probablement. Ben, probablement les membres principaux. Peut-être que t'as le droit d'avoir un grand du cégep dans ton show. Ben, peut-être. Mais mettons que t'as doublé chaque année de ton secondaire, là, sûrement que la limite d'âge ne doit pas s'appliquer, parce que tu peux avoir genre sûrement 17-18 ans, si t'es rendu au secondaire, t'as doublé chaque année. Non, mais rendu à 18 ans, faut que t'aies aux adultes, me semble. Non, je sais pas. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ben, tu j'ai plus chronique. Non, en fait, pour la majorité des éléments, vous avez raison. Je vais plus préciser. Secondaire en spectacle, c'est depuis 1994. Hein, avant les années 2000. Oui, dans le temps des dinosaures. Ouais, hein. Il y en avait qui n'étaient pas nés qui nous écoutent en ce moment. Bon, j'étais née. Je suis en train de calculer. Donc, de calculer. Tu connais pas ta date de naissance? Oui, oui, mais c'est parce que les deux, vous m'avez regardé. Là, je me suis dit, ben, il me semble que je suis tannée. J'ai validé. Pas regardé pas en tout, pas pour ça. Je me suis sentie regardée. On est trois dans le local. On te regarde parce que tu parles. Puis on sait déjà que Mathieu, il est vieux. Ouais. Ah, ouais. Il est né en 95, lui. Puis il se rase pas, il a l'air encore plus vieux. Ah, d'accord. On blanche. Fait qu'en 1994, le projet est parti d'une initiative d'une étudiante qui s'appelait Hélène Arsenault. Puis elle était à la Pocatière. Et elle voulait mettre en place un spectacle pour mettre de l'avant les différents talents culturels des étudiants du secondaire. Deux ans plus tard, en 1996, le projet a été pris et on a formé la corporation du secondaire en spectacle. Donc, on a vraiment rendu ça officiel avec des employés à temps plein et tout. Ça relevait plus juste d'un bénévolat dans une école qui désirait réaliser ce projet-là, mais vraiment pour l'appliquer dans diverses écoles. Un peu comme vous avez dit tantôt, ça s'adresse aux jeunes secondaires, les 12-17 ans, okay. Donc de secondaire 1 à secondaire 5. Et c'est vraiment une occasion en or, une possibilité de s'exprimer pour eux sur la scène, de démontrer leur talent. C'est vraiment plus qu'un spectacle. Souvent, les gens voient un spectacle comme une soirée ludique, puis c'est beau, il a montré son numéro de guitare, son numéro de danse. Non. Un peu comme je ressortais souvent des bienfaits du loisir auxquels on pense pas pendant qu'on les pratique. Secondaire en spectacle a fait ses preuves depuis près de 20 ans. Puis le nombre d'écoles qui participent a toujours été en croissance. Maintenant, l'ensemble des régions du Québec y participe. Comme les Jeux du Québec dans le milieu sportif, secondaire en spectacle est devenu la référence culturelle dans le milieu scolaire, en culture. Puis les éléments que les jeunes développent beaucoup par ce programme-là, il y a un gros côté de prise en charge, d'autonomie, parce qu'ils vont monter leur numéro. Ils ont une responsabilité à livrer à une date donnée ce dans quoi ils se sont inscrits. Puis c'est pas le professeur qui dit pour demain, il faut que tu ailles pratiquer. Là. C'est dans leur temps libre, ils s'organisent. Fait que déjà, c'est une prise en charge. Il y a un gros côté de créativité aussi. Donc, on laisse aux jeunes la chance de s'exprimer, d'écrire un numéro, de réaliser des choses originales. C'est une implication dans le milieu scolaire, mais une implication parascolaire. Il n'y a pas une note au bout de ça, c'est vraiment une motivation personnelle de pratiquer. C'est un dépassement de soi. On encourage beaucoup aussi la francophonie. En fait, ton numéro doit être absolument en français. Il donnait comme un petit range de, mettons... Je vais peut-être me tromper. Ironique d'utiliser le mot range. OK, là. Mais il donnait une petite possibilité de... Marge. Une petite marge. Excusez, pardon. Le 101. En fait, ce qu'il disait, c'est... Je me souviens plus si c'est 5, 10 % que tu as le droit. Tu sais, que tu aurais un mot, par exemple, dans ta composition, dans ton refrain, tu as 1, 2, 3 mots qui sont en anglais. Range, mettons. Tu sais, là, j'aurais eu le droit. Mais la base, c'est que les numéros doivent être en français. Donc, on a trois catégories de numéros lors de secondaire en spectacle. On a des numéros de création, d'interprétation et d'auteur-compositeur-interprète. Et tu peux autant avoir un numéro de magie, un numéro de danse, un numéro de chant, une toune que tu reprends de Céline Dion. Donc, tout c'est ce qui se fait sur scène, sous toutes ces arts, c'est les arts de la scène. Puis, ce programme-là, beaucoup disent que ça a contré le décrochage dans plusieurs milieux. Il y a eu des preuves où est-ce que dans des milieux où est-ce que le côté académique était plus difficile à rencontrer, les jeunes qui n'allaient pas à tous leurs cours se présentaient par contre à toutes leurs réunions de secondaire en spectacle. Ah, wow! Après une semaine où on ne les avait pas vus à l'école, ils repopaient parce que là, il y avait une réunion avec les animateurs, il y avait une réunion de pratique générale. Ça a été prouvé. C'est pas statistiquement et du côté scientifique, mais on a vu sur le terrain le raccrochage de certains par le biais de ce projet-là. Oui, il y en a plein d'autres projets, mais je te dirais qu'avec les années, quand ça fait près de 20 ans que le projet est en place dans différentes écoles, il y a aussi une référence pour les petits projets culturels aux alentours. Sinon, le sentiment d'appartenance envers l'école, pour certains, l'école, c'est une chaise puis un bureau, je vais à mon cours puis je retourne chez nous. Mais là, c'est de passer plus de temps dans les murs de l'école, mais dans un autre cadre, d'aller pratiquer ton numéro avec tes collègues, tes amis et tout. C'est encourageant aussi pour le jeune de se dépasser dans d'autres milieux. Il rencontre des gens rendus au rendez-vous pan-québécois contre d'autres écoles. C'est du temps qu'il passe avec ses amis. Puis quand on est rendu au rendez-vous pan-québécois, qui est l'étape après pour les gagnants de, t'sais, les finales locales dans leur école, après, ils s'en vont aux finales régionales et après, ils s'en vont au rendez-vous pan-québécois. C'est aussi une découverte touristique. Où est-ce que les jeunes découvrent d'autres régions du Québec qui n'auraient peut-être pas la chance dans leur milieu de sortir aussi loin, de passer d'une région à aller à Montréal, de passer de Montréal et d'aller en Côte-Nord. Donc, ça leur permet de visiter et de découvrir le Québec. C'est tout le temps trippant là, d'aller ailleurs là, exactement. À cet âge-là. Là. Et oui. Dormir dans des sleeping bags, dans des classes. Là. Et non, c'est un trip là, avec tes amis. Ah oui? Oh, oui. Ah, ben. C'est un incontournable dans le développement du jeune. Il n'y a pas ça dans mon temps, des sleeping bags. Ça n'existait pas. Tu tombais à terre, tu tombais dans le bois. Il dormait sur des lits de branches de sapin. Oui. Gossé au calice. Fait que là, ça fait vraiment le tour de qu'est-ce que UQTR... UQTR, c'est vrai que je m'excuse. T'es un peu pogné là-dedans, c'est ça? Oui. Parce que t'es dans l'organisation de UQTR en spectacle, on va le dire. Ça. Donc, c'est ça qui fait le tour un peu de c'est quoi secondaire en spectacle. Maintenant, pourquoi ils font l'actualité présentement? C'est qu'il y a eu des grosses coupures budgétaires comme dans tous les secteurs, mais des coupures qui remettent en question la survie du programme. Donc là, on est vraiment à un stade où est-ce que 70 000 $ ont été coupés par le ministère de la Culture, 40 000 par le secrétariat à la jeunesse, ce qui fait un 110 000 de coupure. Comme tel, ce montant-là peut avoir l'air immense alors qu'on parle d'une corporation qui dessert l'ensemble des régions du Québec. Alors, c'est déjà à la base pas beaucoup. Puis, dans ce qui restait, on avait l'équivalent d'un 400 000. Et M. Yves Bolduc, en confirmant les montants qu'il redonnait cette année, envoyait une lettre et tout, et il disait que ça lui faisait plaisir d'octroyer un montant maximum de 300 000 cette année. Donc, on se faisait une deuxième fois recouper. Fait qu'avec un 300 000 pour desservir l'ensemble des régions du Québec, l'ensemble du projet final local, régional, pan-québécois, c'est très difficile à survivre. C'est pas beaucoup, là, il y en a en tabarouette des écoles. Ben, dans le fond, il a remplacé votre Bolduc par une tasse Duc. Oui. C'est un jeu de mots avec Bolduc. Je voudrais un shooter Duc. Un shooter Duc est meilleur. On va garder celle-là. Un shooter Duc, merci. Puis, c'est aussi le timing de l'annonce. C'est pas d'ici 5 ans, on vous coupe, alors qu'il laisserait à l'organisation un temps pour se retourner, pour voir les différentes possibilités avec ses partenaires. C'est à 15 semaines du rendez-vous pan-québécois que la nouvelle est sortie. Wow. Fait qu'à 15 semaines, ça veut dire que le comité organisateur a déjà moins d'argent. Pour certaines régions, ça remet aussi peut-être en question leur participation parce que pour certains, OK, tout est budgété, sont corrects, ça rentre dans les dépenses de l'année prochaine là, pour le reste des choses parce que là, ils sont comment? Vous comprenez? Quand on travaille en avance sur un budget pour l'année d'après. Mais il y en a qui sont dans le budget même, année après année. Fait que si on coupe là, ils ont plus d'argent là. On n'est plus en prévision. Ouais. Fait que là, ça remet en question la participation de plusieurs écoles. Et ce qui est beau à travers ça, c'est vraiment... c'est pas la première fois qu'un projet est coupé dans la vie. Là. Je veux dire, il y en a eu des millions. Puis même dans une école, des fois, il y a un projet qui fonctionne, puis on en repart un autre et c'est tout. Mais la notoriété de ce projet-là fait en sorte qu'il y a eu un soulèvement et un soutien des communautés. Que l'ensemble des régions s'est mobilisé. C'est d'abord parti par une page Facebook après la nouvelle, où est-ce que c'est deux étudiants du secondaire qui ont mis de l'avant la description de ce qui arrivait puis comment on pouvait démontrer notre support à secondaire en spectacle. Ce matin, on avait près de 2000 likes sur cette page-là. Est-ce qu'il y avait des articles qui disaient, des articles de journaux, que cette page Facebook-là regroupait des gens, parce qu'ils voient la provenance des gens qui likent, autant du Bas-Saint-Laurent que de Montréal, que de la Côte-Nord. C'était pas juste centralisé sur une seule région qui s'était mobilisée, mais il y avait vraiment... une mobilisation des communautés de l'ensemble des régions. Puis ça fait juste augmenter ce nombre-là de jour en jour. Les gens le partagent sur Facebook, ça fait vraiment la une. Les jeunes qui ont parti ça, ils disent que la prochaine étape, c'est d'écrire une lettre au ministre Bolduc avec une pétition. Puis en sachant qu'ils ont déjà le support de différents intervenants, des jeunes, des enseignants, des intervenants en loisirs, des anciens qui ont passé par secondaire en spectacle, des artistes qui ont commencé là. Il y a vraiment un gros support et une mobilisation qui s'est faite. Secondaire en spectacle, c'est aussi la première étape de tout un processus. On a secondaire en spectacle au secondaire, suivi de cégep en spectacle, suivi d'université en spectacle. Tout est à la base au secondaire en spectacle. Si on le coupe là, on coupe la possibilité des artistes qui auraient continué ou qui auraient essayé dans le même niveau. Tu ne commences pas à l'université à pratiquer un instrument que tu n'as jamais pratiqué. Il est trop tard. Ben, tu sais, c'est toujours possible dans la vie, mais en général... Mais il est pas trop tard, mais tu ne seras pas bon, tu ne gagneras pas. C'est qu'en général, c'est dans ta période de développement, dans ta période où est-ce que tu trouves, dans ta période où est-ce que tu essaies plein de choses, comme au secondaire, que tu n'es pas pris par un emploi et tout, mais que tu as du temps pour t'épanouir sur des différentes cordes, que tu vas essayer des instruments, de la danse, de la magie. Tu vas te définir par ça. En commençant à 12 ans, ça te laisse le temps de prendre l'expertise et rendu à, mettons, l'université, de faire un livrable qui a pris de l'expansion. On pourrait pas avoir ce niveau-là à l'université, ça serait trop amateur, ça serait trop de l'initiation. Donc, il y a tout un processus qui s'enclenche et qui va tout être concerné à savoir si ça survit ou pas. Puis, les prochaines étapes après la mobilisation, la pétition au gouvernement, ils voulaient faire une marche pacifique, ils voulaient faire un rassemblement physique des gens à savoir comment on pourrait démontrer l'appui. En fait, c'est pas le seul secteur dans lequel on coupe présentement dans la société. Mais ce qui est intéressant, si on veut, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, le fait d'en avoir jasé, ça fait publiciser aussi secondaire en spectacle. Pour ceux qui le connaissaient pas, ça fait aussi peut-être convaincre les gens qui doutaient encore de ce projet-là. Puis quand tu vois une société autant se mobiliser pour un projet, tu remets peut-être en question certaines coupures puis l'importance qu'il y a dans les milieux, que c'est plus qu'un spectacle, mais qui faisait vraiment une différence à plusieurs effets. Donc, ce matin, j'aimerais ça saluer tous ceux qui travaillent pour secondaire en spectacle et pour tous les suivis, et particulièrement eux en ce moment qui sont en grosse démarche, autant avec leurs partenaires pour voir ce qui est possible à faire financièrement dans les services, comment on peut le faire survivre, puis autant peut-être lâcher un petit cri d'alerte à dire pour les autres qui soit connaissaient le projet mais étaient peut-être pas au courant de tout l'impact qu'ils vivaient présentement, d'aller sur la page Facebook pour les suivre, pour aller... aimer la page, pour aller montrer un support. Pour les autres qui doutaient du projet, je pense qu'on a une belle preuve que même en 2015, malgré qu'on est une société individualiste derrière notre écran, il y a encore possibilité de tous se mobiliser vers un seul projet. C'est quoi le nom de la page? C'est Secondaire en spectacle. Simplement. C'est, vous êtes, dans n'importe quel des liens de Secondaire en spectacle, présentement, vous allez vraiment trouver le lien. C'est une des pages... C'est-tu soutien à Secondaire en spectacle? C'est, tapez Secondaire en spectacle, vous allez vraiment le trouver. C'est un des premiers... Donc, ça roule présentement dans les actualités Facebook. 5 en spec, comme on l'appelle. J'imagine qu'il y a personne de même. Tout le temps. 5 en spec. Tout le temps. Ça a bien été, écouter en spec? Oui, écouter en spec, t'as super bien été. Écoutez, ça a été un succès sur toute la ligne. Les participants, ils ont adoré ça. La qualité des numéros livrés, la nouveauté dans la place lors d'entraque. On avait une petite cantine, on avait plein de petits projets, on avait un photobooth. Écoutez, ça l'a roulé, puis la prochaine étape, c'est Université en spectacle, qui est la finale nationale et que cette année fête son 10e anniversaire et le fait à Trois-Rivières. Parce que ça a débuté à Trois-Rivières? Exactement. Il y a 10 ans, c'est des étudiants de l'UQTR qui étudient en communication sociale qui ont mis sur pied ce projet-là en se disant « OK, c'est le fun, la finale locale, mais après, il n'y a pas de suite. Ouais. On ne se rend pas au national qui rassemble toutes les universités. » Ces étudiants-là ont mis en place il y a 10 ans le projet à l'UQTR. Et cette année, reviennent à l'UQTR pour fêter le 10e. Parce que ça a fait le tour des universités et tout. Le temps que ces étudiants-là étaient présents, ça a eu lieu ici, les 2, 3, 4 ans. Après, ça s'est promené parce qu'eux, ils n'étaient plus à l'UQTR. On le reprend pour le 10e, le 4 avril prochain, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, à 20h. On va avoir la finale nationale. Donc, toutes les universités vont envoyer leurs gagnants de finale locale. Est-ce que les universités à l'extérieur du Québec? Non, c'est seulement au Québec. Okay. On regroupe 11 universités. OK. Donc, c'est un rendez-vous le 11 avril prochain. Le mot national m'a un petit peu trompé là-dedans. Hey, on est une nation, OK? Merci, Marie-Laurence Audet. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, toujours les jeudis à 8h pour une autre chronique. Le loisir vient plus qu'un jeu. Yay! Merci. Toujours à Assemblage Requis, tout à l'heure, on va avoir Justine Renaud qui s'en vient avec sa chronique Justine Pertine. Mais avant ça... Don't go home de Marwills, parce que crime, retournez pas chez vous, restez dans les murs de l'école pour participer à QTA puis secondaire puis ça, puis c'est en spectacle. Retournez pas chez vous. The Marwills à Assemblage requis sur ce. Wells et Don't Go Home à Assemblage requis. Plus tôt dans l'émission, juste avant Marie-Laurence Audet, on est en plein milieu de les instructions d'assemblage, puis il nous en reste encore un petit peu, donc on va y retourner tranquillement, pas vite. Les instructions d'assemblage, c'est la chronique dans laquelle on se dit comment mieux vivre, Steph. On revient subtilement. Subtilement, ça paraît pas du tout, ça paraît pas. Donc commençons ce bloc-ci avec un pacte de 15 minutes avec votre partenaire pour une chicane un petit peu plus facile à gérer. Les chicanes, c'est inévitable dans une relation, bien sûr. Ben oui. Mais la pire affaire, c'est quand tu dis quelque chose de tellement méchant, hein, que l'autre personne le retient, même après la chicane, puis ça arrête plus. Ça arrête plus. Donc, faites un pacte avec votre partenaire de ne rien dire que les deux personnes ne seront pas capables de passer par-dessus pendant 15 minutes. Dans le sens. Genre tu vas dire, tu vas y aller vraiment fort. Hein? Okay. Donc, des affaires que tu dis que tu pourrais regretter. Donc, NBC News, quelqu'un de chez NBC News et son mari depuis 35 ans, William Wright, voilà, nous conseille ce petit truc-là. Donc, lui et sa femme ne disent jamais quelque chose pendant la chicane de tellement méchant qu'ils seront pas capables de passer à autre chose pendant 15 minutes. OK. Donc, pendant ces 15 minutes-là, tu dis pas rien de méchant comme ça. C'est-tu ce que je comprends? C'est à peu près je ça. Je sais pas, je comprends pas. Ça a l'air un petit peu compliqué, celui-là, je pense. Ça commence mal, mon affaire. Donc, les deux ont réalisé qu'il y avait un genre de seuil à atteindre où ils commençaient à être méchants juste pour être méchants, juste pour gagner une chicane, tu comprends ça? Donc, pendant ces 15 minutes-là, tu dis rien qui va être méchant juste pour être méchant. Je pense que c'est à peu près ce que ça veut dire. Donc, ça va pas résoudre tous vos problèmes, mais quand même, pendant ces 15 minutes-là, tu dis juste des affaires. Tu y vas avec seulement des faits, seulement du concret, à la place d'y aller avec des affaires qui pourraient faire que l'autre personne va t'en vouloir pour le reste. Ouais, mais tu devrais pas faire ça tout le temps. c'est un peu ça que de faire, réfléchir ouais. à ce que tu dis pour pas le blesser inutilement. Ouais. De juste essayer d'apporter les faits sur la table et de pas juste... Je sais pas. Ouais. Pas juste 15 minutes. Pas juste 15 minutes. Ensuite, t'as sûrement remarqué dans Google Chrome, depuis quelques temps, t'as un petit bouton avec le nom de ton utilisateur en haut à droite. Je sais pas si tu l'as en ce moment, mais un petit bouton avec le nom, moi, sur mon ordinateur, ça dit Mathieu. Vous, ça pourrait dire nouvel utilisateur. Il y a tout le temps un nom qui apparaît en haut de l'écran. Non. Non, pas toi, mais ça arrive depuis quelques temps. C'est sur la plupart des Chrome, vous avez remarqué ça. Ah, mais c'est sûr que je peux pas le remarquer chez nous, étant donné que je suis sur Firefox. Ben, c'est ça. C'est sûr que ça. Mais ici, je l'ai pas. Tu l'as pas ici, par. Donc, une mise à jour depuis quelques temps sur Chrome qui ajoute ça dans le coin en haut à droite. C'est un petit peu laid. C'est un petit peu gossant parce que ça prend la place de tes onglets. En tout cas, sur le Mac, ouais. c'est dans le coin. Puis les onglets, ils peuvent pas aller plus loin parce qu'il y a le bouton. Puis si ton nom est long, mettons, tu t'appelles Félix-Antoine, désolé ou ça. Mais mettons que peut-être que ça enlève de la place pour tes onglets. Donc, ça va être un petit peu complexe, là, peut-être pas aussi complexe que le conseil que je viens de faire juste avant, mais quand même. Donc, pour enlever ce petit menu-là, il faut taper Chrome 2.:// jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. Tu remplaces le HTTP par Chrome. Chrome 2.:// flags, comme dans des drapeaux. C'est simple, OK? Tu cherches Enable New Profile Management System. C'est New Profile, c'est quand même simple. Et tu changes le menu de Enable à Disable et tu repars Chrome. C'est tout, tu n'auras plus jamais à utiliser ce menu-là. Ah ben voilà! C'est 4 étapes super simples. Chrome 2.:// flags, enable new profile, tu disables ça et tout est bon. Tu le disables. Tu disables. Mais faites attention à ce menu-là parce qu'il y a plein d'autres affaires à ne pas disabler. Ouais, ouais, ouais. Parce que vous allez peut-être regretter ça un petit peu là. Le secret maintenant pour développer une. Pour enlever un peu ton dégoût d'une certaine nourriture, mettons que t'aimes pas manger quelque chose, t'aimerais aimer ça manger quelque chose. Ouais. Le secret, c'est la répétition, nous dit-on. Bien sûr. Bien sûr. Donc, s'il y a une nourriture, une boisson que vous aimez pas, vous trouvez pas ça plaisant sur votre langue, mais vous voulez vraiment l'aimer parce que, Colin, c'est peut-être bon pour la santé, ou peut-être que, je sais pas, vous avez un problème avec le gluten, peu importe, il faut vous habituer à des ingrédients qui sont différents puis que ça goûte pas la même chose. Un pain au gluten, c'est sec. T'sais. Peut-être que tu veux t'habituer. Mais souvent, c'est avec les fruits et les légumes, je te dirais. Aussi, la aussi. Plupart du temps. Exactement. Donc, vous vous demandez peut-être comment essayer d'aimer ça. Ça peut être un plat épicé, par exemple, où vos amis boivent des bières de microbrasserie. Puis vous n'aimez pas ça. Le monde, on s'entend que la bière, t'es pas obligé d'aimer ça. Non, exactement, mais vous voulez fitter avec vos amis. Tu sais, les gens sont moutons un peu des fois. Des fois, ça peut être prendre votre café noir parce que vous avez un problème de lactose. Bref, on pourrait continuer longtemps, mais Paul Rosen, psychologue culturel à l'Université de la Pennsylvanie, a étudié les comportements humains envers la nourriture depuis des années. En entrevue avec NPR, Rosen explique que c'est commun pour les gens de détester quelque chose au début, mais finir par aimer ça plus tard. Je me rappelle de plein de nourriture que j'aimais pas quand j'étais jeune, puis dernièrement, j'aime ça parce que j'ai regoûté. Ben oui. Là, c'était pas une question de répétition, c'est une question de les goûts changent une fois de temps en temps. Mais bref, les enfants, des fois, aimeront pas peut-être les piments forts au départ. Mais avec le temps, si tu leur donnes peut-être graduellement dans leur nourriture, mais peut-être qu'ils vont aimer ça. C'est un peu comme un chat, tu sais, quand tu mets des médicaments dans leur bol de bouffe, je sais pas trop. Ben non, mais la plupart du temps, ils sont pas supposés croquer. Non? C'est ça. Ouais. Le truc, c'est de l'envoyer dans le fond de sa gorge. Dans le fond de la gorge. Mais c'est vrai? Comme un enfant, pareil. Non? C'est pas ça des poires. Non, c'est pas des farces? Non. Ouais. Faut que tu l'envoies, tu pousses, puis ils font ça. Mais bref, donc c'est ça, avec le temps, n'importe qui peut réussir à aimer quelque chose d'épicé, par exemple. Donc lui, il appelle ça du masochisme bénin, comme du petit masochisme. Donc il y a plusieurs nourritures que les enfants n'aiment pas, et donc c'est un petit peu comme... c'est un peu comme commencer à... Son exemple est un petit peu drôle. Il dit que c'est un peu comme commencer à fumer. Au départ, t'aimes pas ça, tu tousses, mais finalement, tu le réessayes, puis tu finis par devenir accro. Donc lui, il essaie la même technique. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais tu y vas pas avec une cigarette, évidemment, pour un enfant. Tu y vas avec peut-être des piments forts. Et donc, gardez l'esprit ouvert, mais en même temps, allez-y tranquillement avec peut-être vos enfants ou peut-être vous-même dans ce cas-ci. C'est normal, je pense faut que tu goûtes, je pense que c'est de 12 à 15 fois un aliment avant que le goût se développe. Ouais. Donc, je pense que c'est normal. Ça, ce que t'aimes déjà, c'est parce que tu l'aimes déjà et tu l'as goûté beaucoup avant. Faut pas que tu dises « Ah non, ça, j'aime pas ça, c'est fini. » Mon Dieu, ouvre un peu ton esprit. C'est ça. Ben voilà. Ensuite, les gens qui utilisent le passif agressif, ça c'est d'utiliser des beaux mots, mais qui dans le fond sont vraiment comme une pin envers la personne. Ça c'est passif agressif. Donc, avoir une conversation honnête avec les gens autour de vous peut amener à une résolution des conflits. Si la personne avec qui tu as un conflit est un petit peu passif agressif dans sa façon de parler, essayez d'utiliser de l'honnêteté pour désarmer leur comportement et focusser la conversation sur le sujet qui devrait être discuté. Donc, quand tu ouvres la discussion, tu empêches le problème de grandir, nous dit-on. Être direct va ramener la discussion à ce qui dérange vraiment l'autre personne et comme ça, on va pouvoir vraiment régler le problème. Les experts disent qu'il y a plusieurs façons de clairement dire à votre coloc, par exemple, de faire la vaisselle, de baisser le volume de la télé, etc. Donc, à la place de partir dans ta chambre et partir avec un autre film ou peu importe, puis pas communiquer. Donc, on ouvre la communication en disant « Est-ce que tu es en train de me dire... » Mettons que c'est pour une émission de télé. Mettons tu veux écouter une autre émission de télé que ton coloc, mettons. Dans ce cas-ci, c'est ça l'exemple qu'on nous donne. Donc, tu devrais lui dire « Est-ce que tu es en train de me dire que les émissions que je regarde ne sont pas de ton genre et que tu aimerais regarder autre chose? » Puis ben, ça va ouvrir la conversation parce que c'est vraiment le sujet qui est là. Tu passes pas par quatre chemins pour être passif-agressif puis dire « Tiens, ah, je vais regarder ça ailleurs. » Genre, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Bref. Ok. Ok. Oh, ça, le fun d'être passif-agressif des fois. Moi aussi, j'aime bien, bien. Ça fait du bien. C'est exactement ça. Puis le message passe jamais. Ça, il est fun. Ensuite, pour vrai, ça passe rarement les messages avec ça. Ah, mais ça, c'est parce que le monde est bouché. C'est ça. Ensuite, pour contourner les paywalls, ça, c'est un de mes trucs préférés. Si tu vas sur les sites de nouvelles, entre autres, mettons, tu vas sur le site, je sais pas, du New York Times, où des fois, il y a des. On te demande une inscription après un certain nombre de visionnements de pages. Ok. Moi, plusieurs sites que je fréquente font ça. Tu vas avoir lu 5 articles. Des sites de fesses. Après 5 visites sur le site, ça va dire, il y a un pop-up qui va arriver qui va dire, t'as eu tes 5 visites, paye le 10$ par mois pour t'abonner au site, puis on va te laisser regarder le reste. Mm-hmm. Dans Chrome et dans Firefox aussi, il y a un bouton nouvelle fenêtre en mode incognito. Ok. Tout ce que t'as à faire, c'est copier l'adresse, et je le fais à chaque semaine quand je prépare ma chronique, le blog pub, entre autres, que je fais jamais, mais quand même, je la prépare. Je copie-colle, je manque de possibilités, donc je copie, je fais ouvrir une nouvelle fenêtre dans une fenêtre incognito, je recolle l'adresse, puis ça fonctionne. Ah ouais. Mode incognito, rien à dire de plus, c'est la perfection même. De plus en plus de sites ont ça, des paywalls. Incognito. Incognito, bien dans ma peau, comme on dit. ensuite, on nous suggère, et là, il y a beaucoup de conseils aujourd'hui là, que je suis pas d'accord, mais je pense que celui-là, je suis d'accord, c'est juste que je veux pas le faire. Ton conseil, c'est-tu d'arrêter de porter du brun? J'avais pas vu la photo encore. En effet. Mais non, mais là, là, on dirait qu'elle porte un centre de table brun au crochet. Excusez. Non, c'est vraiment exactement vrai. Mais que voulez-vous? Il y a des gens qui sont contre les modes, et elle est particulièrement contre les modes. Donc, prenez plus de pauses. Allez voir sur assemblagerequis.com pour voir sa photo. Prenez plus de pauses à l'extérieur pendant la journée pour combattre les blues de l'hiver. Ben oui. Comme assez simple comme conseil. Hein? Donc, on est en plein milieu de l'hiver. Non. On est à la on fin. On est sur la fin. On est sur le dernier tiers. C'est sur ma fin. Le dernier quart ou le dernier tiers? Il reste... il reste à peu près un mois. Mais moi, quand t'es dans le pire de l'hiver, je dis que c'est dans le milieu, t'sais, parce que le milieu, c'est comme le pire. Mais ouais, littéralement, en mathématiques, c'est pas le milieu. Mais je trouve que le pire se rallonge beaucoup, là. Ouais. T'as raison. Mais bref, donc, c'est déplaisant de sortir dehors l'hiver, mais quand même, l'air frais et l'exposition au soleil va vous donner de la vitamine D. Donc, pour dîner, ou peut-être juste aller prendre une marche. Allez au restaurant. Allez chez McDo. Non, à pied. À pied, au froid. C'est mon conseil à moi, ça. Plus que celui de l'article. Ne pas être pris dans le trafic. On nous dit ne pas être pris dans le trafic pour aller au travail. Donc, se trouver un emploi qui va vous minimiser le temps que vous allez passer dans votre voiture. Peut-être que dans les grandes villes, ce serait peut-être plus quelque chose de plus commun. Mais quand même, il y a du trafic des fois à Trois-Rivières, dépendant de l'heure que vous partez. Vas-y. C'est normalement un conseil de merde. C'est quoi? Ben non, faut que tu trouves un emploi par rapport au trafic. Non, mais attends un peu, là. Ça dépend. C'est que ne pas avoir à passer du temps dans le trafic, c'est l'équivalent pour les gens en termes de bonheur, selon une étude qu'ils ont fait par rapport à probablement des milliers de personnes, c'est l'équivalent d'une augmentation de 40 000 $ par année, par exemple. Pas sûr de ça? Mais bref, ça peut être nuisible pour votre santé, pour votre bonheur, votre bien-être. Une recherche sur le bonheur donc quantifier le bonheur lorsqu'on évite le trafic, qui serait de 40 000 $ par année. Ça vient de National Geographic, l'auteur de Thrive, Finding Happiness in the Blue Zone, Don Buettner, c'est compliqué son affaire, qui dit en entrevue à NPR, quand on regarde les activités quotidiennes des Américains, les deux choses qu'ils détestent le plus quotidiennement, c'est de faire le ménage, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et numéro 2, le transport dans leur voiture, ou leur transport dans le métro, peu importe comme ça. En fait, si tu coupes une heure de voiture par jour dans ta vie, l'équivalent de bonheur est 40 000 $ par année américain. Ça, c'est 50 000 $ canadiens. Je savais pas que le bonheur pouvait aussi... se convertir en dollars canadiens. C'est ce que mon extension de conversion sur Chrome me dit. Donc, c'était au niveau de 50 000, 60 000 $ par année de salaire déjà. Ce qui est pas pour tout le monde, mais quand même, c'est quand même une bonne coche au-dessus. Fait que là, c'était en train de me dire... Ouais. Admettons que j'ai pas d'emploi. Ouais. Je suis supposé avoir le bonheur de quelqu'un qui gagne 40 000 par année. C'est ça. Ça paye pas mes factures. 50 ça, 000 dollars canadiens, c'était. Ça paye pas mes factures. Ça paye pas tes factures. Le bonheur est relatif, je te dirais. Je te demande. Ouais. Bref, c'est une étude sur 5 ans en passant sur les résidents des États-Unis. Donc peut-être que le trafic est un petit peu plus long par moment aux États-Unis ou peut-être même dans les grandes villes du Québec, genre Montréal. C'est sûrement plus détestable qu'à Montréal. Oui. Même à Québec. Ouais. Ah ouais. Il faut relativiser un peu. Mais même des fois à Trois-Rivières, je te dirais que ça surprend. Souvent sur le boulevard des Récollets. T'es comme coincé. Ah, c'est long, ça, hein? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a comme un grand bout où t'es pogné là. Mais moi, je suis très contente parce que je peux tourner à droite parce que je reste là, tu sais. Puis là, je vois tous les autres qui s'en vont à la lumière. Genre, losers! C'est ça. Mais il y a une autre étude qui nous apprend que les gens abandonneraient 10% de salaire s'ils étaient capables de travailler à la maison 2 à 3 jours par semaine. Ben, je suis pas capable de travailler à la maison, je suis pas productive du tout. Pas productive? Ah non, moi j'aime bien, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Voilà, donc c'est tout pour les instructions d'assemblage. On retrouve les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, ce sera Justine Renaud. Enfin, Justine est là, je l'ai vue passer, elle fait tout le temps semblant de descendre les escaliers dans la fenêtre. Tellement mature. Justine Pertine dans quelques instants, Assemblage Requis, c'est là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi 26 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, merci. Justine Renaud. Allô? Ça va? Je réponds à l'appel. Ça va très bien, vous autres? Oui, je suis content que tu aies décidé de tasser tes affaires parce que là, elle avait mis son ordinateur sur son sac à dos. Je trouvais ça pas super, super confortable comme façon de faire. Je vis dangereusement. Tu vas bien me laisser faire ce que je veux, Mathieu Plante. Ah, mais non, mais je suis juste... Si je me plante, c'est mon problème, Mathieu Plante. Ouais. En tout cas, oh, t'es drôle, toi. Ça a jamais été fait, ça. C'est fou comme blague. C'est fou. 89 heures. Hey, Justine, c'est tout ton café qui coule. C'est moi. On n'a pas ça en studio. Il y a de la misère. C'est Justine Pertine. Ah, cette douce chanson. Je l'aime donc bien. Elle est vraiment bonne à du beat. Ah oui, cette chanson-là en fait aujourd'hui va avoir tout à fait rapport. On se croirait sur un trip de drogue et aujourd'hui je veux vous parler de substances psychoactives. Yes! Enfin, hein? Yes, sir! Pièces de résistance. Et t'en as amené échantillons. Des échantillons, ouais, à peu près 10 sortes, tous illégales. Il faut déterminer c'est lesquelles. Oui. J'en fous le match. C'est un goût à l'odeur. C'est atome crochu, les drogues. C'est un petit peu comme dans les showers de bébé où ce qu'ils vous font goûter là, des petits pots de bébé, puis il faut deviner quelle saveur est quoi. Pareil. Ou bien plutôt que quelle peau est à quelle saveur, là, comme genre petit pois et comme jambon de pâme, je sais pas quoi. Le pire, là, c'est genre dinde et riz. Arc! Ça goûte absolument rien. C'est juste comme pâteux puis plein de mottons désagréables. Je vous jure, c'est vraiment le pire. T'as été bon à celui de Patrice Lécuyer, essaye goûter des affaires puis déterminer leur... C'est quoi, ça? Puis, parce que je suis sûr qu'ils ont fait ça. Il l'a déjà fait avec des bouteilles d'eau. Oui, je l'ai vu, ça. C'était bon. C'est le premier de toutes. Oui, mais c'était bon. Comment ça s'appelait, donc? On en parle souvent, là, cette émission-là, il y avait des défis? Oui, oui. OK, puis d'après, c'était de mémoire ou c'était physique? Ah, je me souviens, à un moment donné, il avait fait faire une toune à Guitar Hero. Hein? Mais c'était vraiment à extrême, genre? Non, à hard. Il avait jamais joué de sa vie, quand même. Oh, oui, quand même. Il était vraiment pas bon. Mais pour quelqu'un qui avait jamais joué, il était bon. Bon. Non. Donc, on parle de drogue. On parle de drogue. Maman vérité. On parle de drogue, Justine. Absolument. Justine. Je sais même pas de quoi je parle. Justine. Quoi? Prends celle-là, s'il te plaît. Ah, sérieux? On passe deux secondes là-dessus. Un, transitionne. Deux, trois, c'est go! C'est fait, merci. Est-ce que vous, vous entendez un changement dans ma voix? Ni vu, ni connu. Excellent! Substance psychoactive, c'est quoi tout d'abord? Parce qu'on peut, dire, bon... moi, je pense que je sais c'est quoi des drogues. C'est de la cocaïne, c'est de l'héroïne, c'est des méthamphétamines. Ouais. Mais c'est plus que ça, en fait. Une drogue psychoactive, c'est n'importe quelle substance capable de changer la fonction du cerveau et qui résulte en l'altération de la perception, de l'humeur ou de l'état de conscience. Mm-hmm. On parle, bien entendu, d'une substance chimique. Là, l'odeur, mettons, là, des sous-vêtements de votre copine qui change votre état de conscience, ça marche pas. Non, c'est un peu pas, dégueu c'est... aussi. Faites pas ça, considérer ça comme une drogue. Non, c'est pas une drogue. Une déviance. Ben, ça peut être une addiction, mais c'est pas une drogue une psychoactive. Là. C'est pas une substance chimique en soi. Ah, on sait pas! Quoi? Je vous le souhaite pas. Il y a toutes sortes de drogues, comme vous le savez probablement, qui sont utilisées pour toutes sortes de raisons. On connaît les drogues à usage médical ou thérapeutique, par exemple les anesthésiques, les analgésiques, les anticonvulsants, les anxiolytiques, alouettes. On a aussi des drogues pour traiter la maladie de Parkinson. Ça compte également dans les drogues, dans les psychotropes. Je vous le jure. Cool. Oui, parce que... Fait que Michael J. Fox, c'était un mot se droguer. Ouais, c'était un mot se droguer. Je sais pas s'il est addict à ses pilules, mais peut-être. Certaines drogues sont aussi utilisées dans un but de réhabilitation pour se défaire de la dépendance à d'autres drogues d'abus. Par exemple, la méthadone pour les utilisateurs d'héroïne ou d'autres opioïdes, comme on connaît souvent. Ben, comme on connaît souvent, je dis ça comme si tout le monde était drogué dans la vie. Qu'on utilise tous les jours. Exactement. Après le dentifrice Crest, là, ma méthadone quotidienne. Finalement, il y a les drogues à but récréatif dont l'usage est strictement pour le plaisir ou encore pour les bénéfices qu'on peut en tirer, comme un état alerte accru. Fait que ça peut augmenter les performances. On s'auto-médicamente dans ce cas-là. L'usage de drogue à titre récréatif date d'au moins 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans qu'on est une bande de drogués les humains. Hein? Et une autre pratique très ancienne est la prise de drogue à des fins entéogènes, c'est-à-dire l'administration de psychotropes induisant un état modifié de conscience utilisé à des fins religieuses, spirituelles ou chamaniques, les chamans. D'où la racine du mot théo, hein, dans entéogène, théo comme dans théologie, fait qu'on parle de religion dans ce cas-ci. Ah, ça vient pas du restaurant chez Théo à Trois-Rivières-Ouest. Non, mais chez Théo, par exemple, ça a une religion. La clientèle est religieuse, elle y va fidèlement. Non, je sais pas. Ah, okay, je sais pas, je connais pas les clients du restaurant chez Théo. Je pensais que tu parlais que c'était des gens qui avaient une religion autre que la tienne. Ah! OK, je sais pas, là. Je les connais pas. Non. Les clients chez Théo. Les clients. Non, moi, je préfère David City, je suis une athée, hein. Oh! Hey! Hey, vraiment mauvaise. OK, ouais, on continue-tu? Ça fait longtemps, je suis rouillée, hein? Oui. Bon. C'est quoi, trois semaines? Deux semaines. Juste deux semaines. Ça fait, je suis régulière. Nouvellement régulière. Je prends mon Walbrand. Hein? La très grande majorité des substances d'abus, oui, ça inclut quand même la marijuana, là, peuvent causer une dépendance lorsqu'on les consomme régulièrement ou en trop grande quantité, du fait qu'ils altèrent le système de la récompense dans le cerveau, ce qui fait en sorte que l'état d'addiction est positivement renforcé malgré les conséquences négatives, genre perdre la garde de son enfant. Un exemple de drogue qui n'est pas du tout addictive est le LSD, hein, l'acide, qui est un puissant psychotrope psychédélique. Il y a d'autres drogues parfois qui sont capables en une seule administration de créer cette association positive entre la prise du psychotrope et les effets bénéfiques sur l'humeur ou la performance. Certaines drogues aussi exercent donc un effet d'addiction quasi instantané. Mais dans d'autres cas, c'est l'inverse qui est aussi possible, où l'utilisation de drogues provoque une expérience tellement négative ou inconfortable qu'on ne veut plus jamais l'essayer. Un petit peu comme des brocolis à 3 ans, tu sais. C'est particulièrement vrai des drogues qui causent le délire ou la dissociation de la personnalité. On parle alors du bad trip, hein? Ouais. Souvent, les gens vont dire « j'ai fait un bad trip, là, je touche plus jamais à ça ». En parlant, mettons, des cheveux de Denise Bombardier, je sais pas. Je veux plus jamais voir ça. Wow. Ça m'a traumatisé quand j'étais petite, ses cheveux en carré un petit peu, là. Anyway, ça pour dire que... C'est un cube. Cube. Dans la vie, il y a 5 grandes classes de drogue. Rapidement, il y a les anxiolytiques, vite de même avec la racine anxiolytique, là, ça veut dire inhiber l'anxiété. On pense à des trucs comme les benzodiazépines. Il y a des gens qui sont là-dessus couramment là, pour des troubles d'anxiété, ce qui est normal. Mais habituellement, les gens ne vont pas comme consommer ça pour le fun. C'est pas glamour comme drogue. Ouais. Tu vas pas rencontrer Quentin Tarantino. Yes, I do drugs on benzodiazepine. Yeah. Yeah. Ça, il est rendu allemand ou... Tu savais pas? Il y a les euphoriens qui causent un effet d'euphorie, évidemment. Ça, c'était pas... c'est qui? C'est qui ça? Il est mort! On peut pas parler, il est mort, c'est Fourier. OK. On n'en parlera pas. C'est qui pas troisième? On n'en parlera pas. Non, pas ça. Parmi les euphoriens, on connaît l'ecstasy. Aussi, le vrai terme, c'est MDMA, qui en fait sa racine du mot moléculaire, je sais pas quoi. Là. OK. Il y a le MDA, qui est c'est un... C'est pas l'information que tu nous apportes ce matin? Non, je sais, mais je veux dire, ça vous donne rien que je vous dise que c'est du méthyldiaminodiaminamine, tu sais. MDA, c'est pas les comptables? Non, MDMA. Après ça, il y a MDA, qui est le petit... Ça, c'est les comptables. Oui, c'est ça, les comptables sont les petits cousins de l'ecstasy. Il y a toutes sortes d'autres euphoriens, mais les plus connus, c'est vraiment l'ecstasy et son espèce de métabolite, le MDA. Il y a aussi les stimulants qu'on appelle communément en anglais ou même en français les uppers. Okay, ou les uppers, mm-hmm. Ouais. Ceux-ci ont comme propriété de réveiller, de stimuler le cerveau, de parfois même causer une certaine euphorie, mais n'affectent pas la perception. Okay? Okay. On parle ici d'amphétamine, de caféine. Oui, oui, votre café est une drogue. Ben, les petites pilules de caféine qu'on peut acheter en pharmacie, est-ce que c'est considéré comme des uppers? Oui. Exactement. Oh. La cocaïne. C'est de la caféine. C'est ça? Oui. Non. Oui. Ben, c'est ça. Oui. La nicotine aussi est un uppers, fait que la cigarette est considérée comme une drogue psychoactive stimulante. Puis les poppers, c'est des uppers? Des pop-tarts. Les pop-tarts, c'est des poppers? Des poppers, c'est des downers. L'alcool est dépressif. Okay, fait que les poppers, c'est des downers. J'ai pas peur des downers. On dirait une tour de Gatineau, genre. J'ai pas peur des poppers. Pas peur. OK. Ensuite, il y a les dépressants, les numéros 4. Ça, c'est les downers, comme on est en train de parler de manière si éloquente. Eux autres ont un effet de calmer celui qui en prend, d'induire le sommeil, de réduire l'anxiété et même d'anesthésier. Fait que ça peut avoir un effet d'engourdir le corps. On compte parmi eux l'alcool, les opioïdes, par exemple, l'héroïne, les barbiturates. Tu sais, quand on veut tuer quelqu'un, mélanger des barbituriques avec de l'alcool, toujours une bonne idée. Vous allez réussir, je vous le dis. Parce qu'on mélange deux downers ensemble. Mm-hmm. Fait qu'on est en train de causer une double dépression. Overdowné. Fait que non seulement Robert il dort, Downey. Mais il dort pour toujours. Hey, lui, il a eu des problèmes vraiment graves de drogue. Robert Downey ouais. Jr. Ouais. Peut-être qu'il brise pas l'image de Iron Man. Peut-être qu'il buvait du Downey. Peut-être. Il buvait trop de Downey. Finalement... Ah, ça, c'était vraiment mauvais. Les downés, comme... Les downés. Ouais. Ouais. OK. Pas boire non plus le savon down. Un effet de downé. Tu l'écris pas. T'écris pas ma joke. Je vais prendre tout le segment complet. Je vais mettre la chronique de 20 minutes dedans. C'est ça. Les mauvais moments d'assemblage requis. Justine, joke de Robert Downey Jr. Parfait, c'est noté. En numéro 5, hallucinogènes, hein, comme on les connaît, c'est cette classe-là qui cause, dans le fond, les altérations dans la perception, la sensation dans le temps et l'espace et même les états émotionnels. On parle de LSD et parfois même, je vous dirais que certaines préparations de marijuana peuvent avoir des effets hallucinogènes, surtout espace et temps. Finalement, comment est-ce qu'on administre des drogues? Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'appeler. On peut les ingérer, c'est-à-dire oralement, sous forme de tablettes, capsules, la poudre, de liquide, des breuvages. Breuvages, on parle entre autres de café et d'alcool, on le sait. Par injection sous-cutanée, intramusculaire, dans les veines directement, via le rectum également par suppositoire et ou lavage de rectum avec une pompe. Ça, c'est un peu bizarre. Un peu, hein? Ouais, une pompe, une pompe. Ah, un enema, tricky baster. Hein? C'est ça, les enema. Ouais, okay, exactement. Cool. Ouais, mais j'ai cherché le terme et je me suis dit, je sais pas si en français ils vont comprendre. Je sais pas, mais enema, avait... ça veut dire une pompe dans le. Ouais, mais c'est ce qu'il y avait une. Mais c'est un lavement, dans le fond. Ouais, c'est un lavement. Comme l'album de Blink 182, Enema of the State. Voilà. Ah, wesh. Ah, c'est ça que ça veut dire. Mais il y avait un épisode de. Allô? Testing! Il y avait un épisode de Mon étrange dépendance, truc, patente. Où il se faisait une pompe de café dans les fesses. Ok, mais ça a un effet direct, hein? Excellent épisode, d'ailleurs. Sérieux? Oui. Un des meilleurs. Je suis sûr que tu l'as essayé. Non. Je suis sûr qu'il l'a essayé. J'ai commencé par du décaf. Pour voir l'effet. Ouais, mais c'est ça, en fait, le rectum a tellement des gros vaisseaux sanguins qui sont tellement près du mur rectal. Hey, on scatophilie! Ça finit tout le temps de même ici. Ouais, vraiment. Ça serait encore plus scatophile si on parlait aussi qu'à la place de mettre du café dans nos foufounes, on mettait une poche de thé, une poche des foufounes. Scatophilie de poche! Je joue aux poches, David Steve. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je vais jouer aux poches. C'est parfait avec ma religion datée. Daté. De thé dans le... Ta religion est très datée, là. À date. Et plus à jour, pas. Et finalement, par quel autre moyen vous pensez qu'on peut prendre la drogue? Sur la langue. Ah, par le nez. Ouais, une inhalation. Donc, en fumant, ça s'en va directement, habituellement, là, dans les poumons et tout. Vaporisation c'est la bouche. Également. Ben oui, mais je dis ça s'en va par, dans les poumons. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va dans les poumons. Non, mais c'est parce que ça dit par le nez. Et là, et avec quatre fumes, oui. C'est par la bouche. Excuse, inhalation, c'était ce que dans ma tête, à moi, il y avait un nez quelque part. C'est ce que je pense depuis tout à l'heure à sniffer. Puisque le dernier point, c'est insufflation qui est sniffer. Puis ça, en soi, ça se rend jamais dans les poumons. En tout cas, si oui, vous avez vraiment un problème de trop laisser passer dans vos poumons. Mais l'insufflation, c'est de sniffer, par exemple, de la cocaïne. Et ça va se ramasser dans votre système sanguin par la paroi nasale, pas par les poumons. L'efficacité de la route d'administration dépend de la drogue. Si je peux vous donner l'exemple de la cocaïne versus de la coke qui est presque de la cocaïne, sauf qu'il y a un groupement méthyl supplémentaire sur c'est comme une petite tige de plus. Je dois pas être le seul à penser que c'est un synonyme ou un surnom de la cocaïne, coke. Non. Je dois pas être le seul. Il y a de la cocaïne et il y a de la coke. Il appelle ça aussi parfois de la dope, ça dépend. Là. Des fois, de la dope, ça peut aussi qu'on ait d'autres cochonneries. Mais la chose que vous fumez, allez chercher de l'aide si vous le faites. Si vous fumez de la coke ou de la dope, vraiment, là, avec un espèce de... un briquet, mais parfois, c'est des préparations comme soit dans des viales, soit dans... sous forme d'espèce de cigarette ou ce que vous ajoutez de la préparation. Bref, quand vous fumez votre coke, c'est que la molécule en tant que telle a de la difficulté à passer par le nez. OK. Pour augmenter son administration, c'est la quantité qui va rentrer dans le sang ou dans votre système, il faut la fumer parce qu'elle contient le groupement méthyl de plus qui la rend plus difficile à être dissoute dans l'eau, donc dans le sang. Tandis que la cocaïne se dissout bien dans l'eau, c'est pour ça que quand on la sniffe, ça s'en va directement dans le système sanguin. C'est vraiment un peu comme ça que ça marche. Fait que cocaïne, plus facile à dissoudre dans l'eau. Et coke, plus difficile à dissoudre dans l'eau, donc on n'a pas le choix de la fumer. Okay. La cocaïne, tu pourrais-tu t'en mettre dans un verre de jus, comme du métamucil? Ah, wow! Là, en ce moment, tu es en train de le diluer et par la voie orale, c'est probablement moins absorbé que par la voie nasale. OK. C'est moins direct, mettons. Puis si tu sniffes ton verre de métamucil... L'inverse est vrai, donc. Mais il est tellement dilué. Okay. C'est pour ça que, genre, quand on le prend pur... En fait, vous savez pourquoi dans les films, ils ouvrent le sac, ils trempent le doigt dedans, puis après ça, ils s'en mettent ses gencives. Oui. Plus c'est peu, plus ça va engourdir les gencives. Okay. C'est ça peut être de la Jax aussi. Oui, c'est ça, ça peut être bien des enfants. Tu cherches pas les nouvelles façons de te droguer, toi, hein? C'est ça. Non, mais la cocaïne est souvent coupée avec plein de cochonneries, fait que c'est pour ça. Si ça te gèle les gencives, ça peut être d'autres choses que ça aussi. Ben oui, là, mais habituellement, là, c'est le premier marqueur de si c'est coupé avec la farine ou pas, mettons. Parce que la farine, on s'entend que ça... Ça fait de la colle. Oui, ça fait de la colle. Le policier s'en vient de bord. C'est une joke! Maintenant, on va parler rapidement de comment ça fonctionne dans le cerveau parce que je pense que je suis en train de manquer de temps. Pas avec nous, peut-être avec toi, t'as d'autres vies après. Mais moi, j'ai d'autres vies, j'ai 30 vies. 30 vies? Oui. Fabienne Larouche, ça vient de la rouche en a plus que moi, je suis. Donc, on sait que dans le cerveau, on a des cellules qui s'appellent les neurones qui sont responsables de transmettre les messages, les informations qui fusent dans notre tête. C'est... neurones-là sont organisés en synapses, c'est-à-dire lorsqu'un neurone, donc une cellule, rencontre une autre cellule, un autre neurone, il va y avoir synapse. La synapse, c'est l'espèce de mince fente entre le premier neurone et le deuxième neurone. Et entre cette fente-là, là, c'est un petit peu comme du bouche à oreille. Là. C'est cette zone-là entre la bouche et l'oreille de l'autre. OK. Puis là, ils se parlent des affaires. Puis ce langage-là, ça s'appelle des neurotransmetteurs. C'est des petits messagers chimiques. Vous avez probablement déjà entendu parler des termes dopamine, sérotonine, du glutamate peut-être moins, ou GABA peut-être moins, mais ça, c'est tout des neurotransmetteurs. Okay. Il me semble que mon cours de psychophysiologie est loin. Oui, peut-être. Tout ça pour dire que les drogues affectent ces neurotransmetteurs-là, les récepteurs sur le neurone postsynaptique qui est après, dans le fond, le neurone qui se retrouve après l'oreille, dans le fond, ou peut aussi agir au niveau du neurone présynaptique, la bouche qui donne le message. Peut dire « parle plus », à l'oreille, il peut dire « écoute plus », puis au langage, on peut lui dire « reste dans la fente synaptique », c'est-à-dire les neurotransmetteurs, il faut éventuellement qu'ils soient ramassés par des concierges dans le cerveau, tu sais, comme « arrête de parler » un moment donné. Fait qu'on ramasse la dopamine qui traîne, puis on va l'évacuer. Mais parfois, il y a certaines drogues qui sont là pour empêcher que, mettons, le neurotransmetteur soit ramassé. Fait le neurotransmetteur, il est tout le temps là, puis il dit tout le temps le même message comme « sois excité, sois excité, sois excité, sois excité » ou bien « endors-toi, endors-toi, endors-toi, endors-toi ». Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, les drogues dans le cerveau. Si je peux donner brièvement là, des petits exemples, la cocaïne ou encore les amphétamines ou la méthamphétamine, le crystal meth, amphétamine étant du speed, sont des inhibiteurs de la recapture de la dopamine. Okay? Fait qu'on empêche au langage de dopamine d'être évacué de la fente synaptique. Quand on parle plutôt de l'héroïne ou de la morphine ou de la codéine, ce sont tous des opioïdes. Eux autres, ils sont drogues qui vont agir au niveau des récepteurs opioïdes mu. Ça veut dire qu'on va augmenter la sensibilité du neurone postsynaptique, donc de l'oreille, à entendre le message. On va entendre plus de messages. Le MDMA, qu'on se souvient, c'est l'ecstasy, ou encore la LSD, sont des inhibiteurs du relâchement de la sérotonine. C'est-à-dire qu'on va empêcher la sérotonine d'être relâchée dans la fente synaptique. Donc, on est en train de dire aux neurones synaptique, arrête de parler, arrête. Marijuana, sujet d'intérêt, un chaud sujet. Le tétrahydrocannabinol étant sa molécule active, est en fait un activateur des récepteurs cannabinoïdes. Lui, il a son propre nom. C'est seulement très récemment qu'on a découvert la molécule endogène, donc on exprime dans notre corps, qui lie ce récepteur-là, c'est l'amantadine. Et voilà comment les drogues fonctionnent. On est rendu dans le plus compliqué, mais vous voyez que ça a un effet direct physiologique sur la manière dont les neurones se parlent. Donc, c'est pas étonnant qu'on commence à entendre des choses, voir des choses, à être donc bien plus excité, plus heureux, plus malheureux, déprimé, excité. J'ai dit deux fois excité. Tellement excité, c'est excitant. Hey, t'as parlé de synapse là-dedans. Snaps. C'est-tu quoi ma préférée dans les snaps? Snap, crackle and pop, je sais pas. Non! Moi, c'est le snaps au pêche. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'était ça. La réponse, Stéphane, là. Snaps au pêche. Oui, les snaps au pêche. Oh, snaps! Fermeture, bouton de rasoir. Merci. Est vraiment bonne. Ben, on l'a fait à deux. Je vais la digérer pendant qu'on écoute la première chanson que je vais vous faire entendre qui s'appelle Drug You de Half Moon Run. Petit groupe québécois qu'on aime bien. Hein? Schnapps aux pêches. Snaps aux pêches. Mathieu, c'est pour ceux qui l'avaient pas compris encore. C'est moi, je la digère encore. Ouais. Et bonne. C'est ça. Avec la craque puis le poil, la pêche. Yep. Assemblage requis. C'est JustinePertine.com. Tout.com.net.org. Take to reveal it. Drug, are you? fallait pas, mais il fallait la cité nous ordonner. Nous en est de diamants, de fourrure, de couronne. Pour sembler à personne. Sur le trottoir, on a mis les à genoux. Au fond de nos regards, entre nous et personne. Regarde-moi, tu ne verras personne. Personne. Les cyclopes ne nous parlent plus. Maintenant que le tapis rouge s'est dressé, que nous y marchons sans y trébucher, ils craignent la véracité de notre cinéma. Sur les trottoirs où la ville est à genoux, au fond de nos regards, nous tenons la personne. Regarde-moi, tu ne verras personne. Personne. Les calèches sont pour nous. Nos chevaux sont des rois. Les ruelles s'offrent à nous comme des châles de gouttières. Las Vegas se cache derrière nos paupières. Sur le trottoir, la ville est à genoux. Au fond de nos regards, entre nous et personne. Regarde-moi, tu ne verras personne. Personne. Sur le trottoir, la ville est à genoux. Au fond de nos regards, entre nous et personne. Regarde-moi, tu ne verras personne. Personne. Personne qui ne va y retourner. Personne. Personne. Personne qui ne va y retourner. Personne. Personne. Couleur rouge ou jaune. C'était Cookie de Jean Leloup, fameuse chanson sur la cocaïnomane qui se poudre son joli nez. Avant ça, on avait MDMA de Peter, MDMA qu'on sait que c'est de l'ecstasy. Mmh. Et en premier lieu, on avait Drug You de Half Moon Run. C'est un petit trio québécois aujourd'hui. Oui, bravo. J'ai donc bien du goût. Mais vraiment. Point. Notre station sort de Montréal qui choisit la musique pour nous a du goût. Colin. Non, c'est pas ça. Ah. Non, pas Colin. Peter. Ah! Oh mon Dieu. Et si jamais, là. Penses-tu si jamais. Que c'est son patois? Colin. Non, je pense pas que c'est... tout en train de pleurer. Ah. Justine Renaud, c'est tout? Oui, c'était tout. J'ai été pertinente aujourd'hui au sujet des drogues, mais là, ça finit là. Plus jamais je parle de drogue. Ben, prochaine fois que je parle de drogue, en fait, je comptais parler de caféine à la fin de la session. Good. Pour ceux qui s'en... qui en font des enémas. avec une poire dans la... Une poire anale. C'est ça, le schnapps aux pommes. Schnapps aux pêches anales. Au pêche. Pêché. On te retrouve dans deux semaines, Justine? Absolument. Les jeudis. Oui. À 8h30. Habituellement. Quand ça t'adonne, mais aux deux semaines. Quand m'étadonne, oui. M'étadonne, c'est drôle, ça. Mais tes semaines ont changé. Tu t'es converti à là, t'es là, puis dans deux semaines, tu vas être là, mais t'étais pas là pendant trois semaines. Ouais, c'est comme ça. Le rythme a changé. Ben, je m'excuse, je m'en excuse. It's an all new rhythm. An all new rhythm. J'ai eu des contraintes. Des contractions. T'es enceinte, hein? Merci, Justine, d'un petit. C'est un plaisir. Avant de conclure, j'aimerais faire une remarque. C'est pas pertinent du tout, mais je trouve que tu portes ta tuque comme une madame dans une cuisine qui porte son filet pas sur son toupette pour que ça fasse beau. Avec la cigarette? Non, juste comme ça, avec le net en arrière, mais t'as le gros toupette crêpé en avant, pas dans le net, là. OK. Tu portes ta tuque de même. Mon toupette, il est pas net, mais il est pas crêpé. Non, voilà. J'essaie de prendre la photo. Attends. Ah! Ploup! Photo à radio. Ploup. Ah non, attends un peu, je suis sur vidéo. Ah, oh, mais là, faut-tu être compétent? Tu sais, puis faire des longueurs. Mais je sais bien. Mais c'est que je suis habitué de prendre des vidéos avec mon téléphone, puis il retient le dernier mode. Érotique, t'as dit? Tu fais des vidéos érotiques? Tout le temps. Tout le temps. You know me. Avec ton chat. Jamais toucher ton téléphone ever again. Je suis sûr qu'il s'est filmé en se faisant une poire en âge. Avec du schnapps au pêche. Bon. Hey, Full Circle. On a vraiment... Hey, Full Circle, ça, c'est une chanson de Half Moon Run, je pense. Ah, on a une autre chronique qui s'en vient, nous autres. Fait qu'on va te laisser aller sur tes blagues. OK, bye. Merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. T'es fine. Ah oui, je suis fine. Nous, on va prendre une pause parce qu'on doit passer au poste d'écoute pour on doit, mais on veut. On veut passer au poste d'écoute dans quelques instants. Il y a ça. Mais pour l'instant, une petite pause et l'info campus. Fait qu'elle va être courte, la chronique du poste d'écoute. Pas le temps, l'info campus. Fou de transformation. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi, 26 février 2015. Il nous reste même pas une vingtaine de minutes et elle, c'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante et t'as une hésitation sur la date. Oui, ben c'est parce que j'ai tendance à regarder au-dessus de mes lunettes. Faudrait que je regarde avec mes notes pour voir la date. Ouais, il y a le fait que t'es mis up. Un petit peu. Tu sais que je suis mis up before you go. Go. Hey, c'est ma joke, ça. Non, c'est notre joke. On la partage. Elle reste toujours très, très drôle, de toute façon. Bref, 20 minutes avant Génie en liberté avec Samuel Girard. Maintenant, c'est le moment d'entrer, de pénétrer à l'intérieur du poste d'écoute. Le poste d'écoute! C'est quoi ça, le poste d'écoute? Question piège! Ça, c'est moi avec ma lampe frontale qui se faufile dans la discothèque de C'est fou pour fouiller les nouveaux arrivages et vous sortir le meilleur. Ouh, la crème! Et en fait, normalement, j'avais dit, je vais pas vous faire écouter des albums de groupes qui ont déjà été sur le palmarès récemment. Ouais. Mais là, déjà, je vais à l'encontre de mon propre règlement, un peu comme David Ferron dans sa chronique, qui finalement n'a plus de règlement. Ne joue jamais s'il est supposé jouer dans cette chronique-là. Voilà, parce que c'était vraiment un gros coup de cœur, c'est beaucoup trop bon. Je veux qu'on l'écoute ensemble, et c'est le dernier album de Helotrons, To Trip With Terpsichore. PepsiCore. TerpsiCore. PepsiCore. Non, pas PepsiCo. PepsiCo là? TerpsiCore. Ah, OK. Donc, si vous ne connaissez pas Helotrons, la formation est formée de Mike Duby à la voix, Alex Moxon ou Moxon à la guitare, de Philippe Charbonneau à la basse. Philippe Charbonneau. Il faut pas se tromper, là, c'est pas Jean-Philippe Charbonneau, c'est seulement Philippe Charbonneau. Pas le co-animateur des Palmarès, c'est fou. Non, c'est ça, mais je suis certaine qu'il aime aussi les îles de poulet. Oui. Un petit feeling comme ça. Sûrement. Ensuite, on a Pascal Delacuisse. Delacuisse, toi, ma cuisse. Ou de Delacuisse. Hey, mais je sais pas comment ça se prononce, c'est tous des mots, des noms bizarres. À la batterie. Et finalement, Adam Seykalay. Au synthétiseur. OK. Vous êtes peut-être mieux d'aller sur Wikipédia vous-même. Vous devrez juste les appeler par leur prénom dorénavant. Mike, Alex, Philippe, Pascal et Adam. Ça a pris 3 secondes. Le genre musical, comment on pourrait décrire tout ça? Déjà, moi, je trouve ça très, très diversifié comme album. Donc, on s'en va dans du pop expérimental, du funk et même un peu de reggae. Hein? C'est celle qui est le plus reggae. On l'écoutera pas aujourd'hui, il me semble. J'ai un peu moins accroché là-dessus. Je suis pas très, très reggae. Non. Donc, on va peut-être plus aller vers les autres styles. Helotrons est originaire de Wakefield, au Québec. Est-ce que tu savais que c'était un groupe québécois? Absolument pas, non. Je le savais pas. Mais Wakefield, c'est très, très proche de l'Ontario. Donc, on peut comprendre pourquoi qu'ils ont des noms anglophones. Ben, c'est plupart. Ça. Sinon, ça s'appellerait Terrain éveillé, Wakefield, hein, c'est ça? Je crois que oui. Et je crois aussi que c'est le plus haut saut de bungee au Québec ou au Canada, quelque chose comme ça. C'est un endroit merveilleux pour faire du saut en bungee. Cool. Mais oui, la formation est officiellement établie à Hull et Ottawa. Donc, c'est comme... C'est ça. Ils sont partout. Donc, les membres d'Helotrons osent se poser des questions musicales en acceptant la responsabilité de la croissance, de l'apprentissage, de l'évolution en tant que musicien et compositeur, tout en embrassant l'absurde, l'obscurité et l'humour de la vie. Donc, ils ne recherchent pas une sorte d'équilibre. Ils essaient plutôt de refléter tout ça dans leur musique et dans leurs enregistrements, délivrant des performances hautement énergétiques afin d'engager notre esprit et notre cul dans la danse. Ah, bon, le popotin. C'est ça. Donc, oui. Moi, j'utilise les mots qui sont utilisés. Ça aurait pu être peut-être notre âne, mais je pense pas que ce soit ça. Non. As, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi Assemblage requis, c'est souvent le surnom Asrek, ouais. Voilà. On s'en va entendre tout de suite une première pièce parce que c'est très bon et on s'en va entendre Real Game Changer de Helotrons dans le poste d'écoute. Mais qui sont-ils, l'autron? Qui sont-ils, l'autron? Ah. Ouais. C'était pas fort. Hein. Ouais, non, mais vraiment. Jusqu'à maintenant, on devrait arrêter de parler par-dessus. Ça. Satisfaction. Everyday stranger, I'm your future and your secret reparation. One foot before the next, or whatever, I will stumble in a kind of daze. One look would make the difference. action. Real game changer. Prince of no ordinary satisfaction. Le poste d'écoute. Not the one they thought of. Animal, I Love You de Halotrons, tiré de leur tout dernier album To Trip with Terpsichore. En plein milieu de ce bloc, on a entendu Tackle the Strand, Taste et Helicopter. Et finalement, on a ouvert ce merveilleux bloc de trois pièces avec Real Game Changer. La première pièce, je l'adore. Elle sonne comme du vieux Red Hot Chili Peppers dans le temps que c'était bon. Mais pour, tu sais, du vieux Red Hot, là, début 90, ouais. Là, bon vieux, là. Bon stack. Ah, c'était bon. Voilà, c'est tout pour poste d'écoute. Ben oui. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Poste d'écoute les jeudis à 9h. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui et pour la semaine au complet. Oh non! Ah, je sais, mais on sera de retour lundi entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute, le dîner de con à 11h, créateur de son à 13h, palmarès du monde avec David Ferron à 16h, une rediffusion du Mathieu Plancheau à 17h, 21h, Radio Sonic, l'émission de musique variée, mais dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. On se quitte avec une dernière pièce du poste d'écoute du même groupe Halotrons. Oui, parce qu'on n'a pas assez. On s'en va entendre Animal Master. Et on se retrouve lundi dès 6h30. Bonne fin de semaine, Steph. Bonne fin de semaine, Mathieu. Bye.